Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire d'une incroyable avancée scientifique qui n'était en vérité qu'un gigantesque mensonge, l'affaire Wang, ou l'ivresse du clonage. Au mois de février 2004, le monde entier découvre, en direct à la télé, le visage d'un chercheur sud-coréen d'une cinquantaine d'années. Cet homme, le professeur Wang, affirme avoir réussi ce qu'aucun scientifique n'avait réussi avant lui, cloner des cellules souches provenant d'embryons humains. Célébré partout sur la planète, l'exploit du chercheur sud-coréen suscite un immense espoir, une révolution médicale, le clonage thérapeutique, un procédé qui permettrait de soigner des maladies incurables telles que le diabète, Parkinson ou encore Alzheimer. Mais le rêve d'un monde parfait va prendre fin de manière brutale. Un an plus tard, à l'hiver 2005, on découvre en effet que les résultats du professeur Wang étaient fabriqués de toutes pièces et que clonage humain, il n'y a pas eu. Après le récit, nous recevrons le professeur Axel Kahn, généticien, également président du comité d'éthique de l'INRA, Ifremer et Sirad. Son dernier ouvrage, Jean, un homme hors du temps, est paru aux éditions Stock l'an dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacoboviez. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vous avez parlé, Dr Salomon, du génie génétique. Est-ce que aujourd'hui, à la lumière des travaux des généticiens, nous pouvons nous poser un certain nombre de questions, à savoir, d'un côté, ça peut conduire à un nouvel âge d'or pour l'humanité, ou bien, au contraire, une sorte d'apocalypse? Cette question, vous l'avez posée à de nombreux chercheurs. Que vous ont-ils répondu, en gros? En gros, ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois. Ce que le génie génétique pourra faire, et là les promesses sont illimitées, le génie génétique pourra absolument résoudre une très grande partie des problèmes humains. Oui, mais par exemple, on dit aussi que le génie génétique pourra modifier l'homme lui-même dans sa structure biologique. Ça, je ne le crois pas. Je ne crois pas au clonage humain, je ne crois pas à ce genre d'histoire. Il y a une force de résistance de la nature qui fait qu'un certain nombre de fantasmes scientifiques ne verront jamais le jour. Au printemps 1981, sur le plateau de l'émission Temps X, le docteur Michel Salomon évoque les progrès techniques qui, selon lui, s'apprêtent à bouleverser la recherche scientifique dans les décennies à venir. Et si, comme vous venez de l'entendre, ce médecin affiche son optimisme concernant les récentes découvertes génétiques, il est beaucoup plus sceptique sur la possibilité d'atteindre un jour l'ultime étape de cette ambition, qui serait aussi transgression, le clonage humain. Fantasme scientifique pour les uns, graal de la recherche pour les autres. Dans les années 80, le clonage fait encore figure d'expérience mystique autant que mythique. Et il suscite de nombreuses convoitises. Depuis la découverte de l'ADN, cette molécule qui contient, rappelons-le, toute l'information génétique permettant le développement, le fonctionnement et la reproduction du vivant, certains scientifiques veulent pourtant croire en leur chance. Oui, ils espèrent renverser l'ordre établi par la nature et ainsi réaliser le rêve du naturaliste français Jean Rostand et de bon nombre d'humanistes, à savoir créer la vie sans demander l'aval ni le consentement de Dieu. Vu comme ça, c'est une émancipation effectivement de premier choix. Au même moment, dans les salles de cinéma en Europe et aux États-Unis, le grand public découvre à son tour les enjeux et les questions qui planent autour de cette fascinante thématique du clonage. Avec le film Blade Runner, l'adaptation d'un roman de science-fiction de Philip K. Dick, des millions de spectateurs à travers le monde prennent conscience des dangers d'une humanité où cohabiteraient plusieurs espèces d'humains. Déjà contre une même espèce, ils sont capables de s'entretuer. Enfin, grâce à un florilège d'effets spéciaux, Hollywood interroge ici, et à sa manière, la dimension éthique qui entoure la relation entre cloneur et cloné. En effet, si l'homme parvient un jour à créer des clones, est-ce pour les dominer? Ou est-il possible d'imaginer que les clones nous dominent? Bien au-delà des cercles de la recherche scientifique, le clonage reste une formidable chimère qui nourrit l'imagination. En la matière, c'est même un festin. Aussi, lorsque 15 ans plus tard, au printemps 1997, l'impensable se réalise, chacun retient son souffle. France. France Inter. C'est un thème que l'on retrouve dans tout un tas de films de science-fiction. Au fond de son laboratoire, un vieux professeur, illuminé de préférence, fabrique des clones de l'homme idéal, des frères jumeaux à l'infini. Eh bien aujourd'hui, ça n'est presque plus un film, c'est la réalité. En Écosse, un groupe de chercheurs britanniques est parvenu à cloner pour la première fois un mammifère adulte, en l'occurrence un mouton. À partir d'une cellule d'un mouton, il est arrivé à fabriquer sa copie conforme. Ce qui pose bien sûr pas mal de questions. Cette technique sera-t-elle utilisée par les éleveurs? Est-elle dangereuse? Et surtout, est-il imaginable de cloner un jour des hommes, le meilleur des hommes ou le pire? Hello Dolly. Ce mouton, plutôt cette brebis, s'appelle Dolly. Probablement l'ovidé le plus célèbre de la planète. Il montre que l'homme est capable de donner naissance à un mammifère sans avoir recours à la reproduction sexuée, renvoyant ainsi l'ovule et le spermatozoïde au rayon des utilités. Car dans le cas de Dolly, tout s'est joué dans les tubes à essai d'un laboratoire et sur les lames de verre d'un microscope. Les chercheurs britanniques ont récupéré le noyau d'une cellule appartenant à une brebis morte depuis plusieurs mois. Ils l'ont ensuite introduit dans l'ovocyte d'une autre brebis. Après gestation dans le ventre du second animal, l'individu obtenu à la naissance, Dolly, est donc un clone. Elle dispose en effet d'un patrimoine génétique identique à la toute première brebis, celle sur laquelle on avait prélevé le noyau. Cette avancée scientifique indiscutable provoque l'admiration tant qu'elle génère une grande inquiétude. Car s'il est désormais possible de cloner un mammifère, sera-t-il bientôt possible de cloner un homme ? Oui, et quel homme ? Le meilleur de tous ou le pire d'entre eux ? Telle est la question. Rempli d'imprévus, paré de surprises, jalonné souvent d'échecs, rarement de succès, la recherche sur le clonage progresse péniblement au début des années 2000. Malgré les acquis de Dolly et les progrès des techniques, les chercheurs se retrouvent confrontés à l'incertitude du facteur humain, comme on dit quand on n'a pas d'explication et de réponse. Ainsi, en dépit de leurs efforts, les années passent et les recherches piétinent. De son côté, l'opinion publique guette. À chaque nouvelle avancée, les projecteurs se braquent et les passions se déchaînent. Le clonage, présenté et vendu comme la révolution biomédicale du XXIe siècle, est au cœur de toutes les spéculations. Et comme si cela ne suffisait pas, à la fin de l'année 2003, la secte des Raéliens ajoute sa pierre à l'édifice. Elle promet la naissance d'un enfant cloné pour les fêtes de Noël. Bon, l'information était évidemment un canular ou un fake news, comme on dirait aujourd'hui. Il n'empêche qu'elle a nourri une fois de plus l'hystérie collective. C'est donc dans ce climat bouillonnant autour de la science et de ses enjeux qu'un homme s'apprête à faire une révélation fracassante. Il s'appelle Wang Hoo-suk. Il est sud-coréen, spécialisé dans l'étude des cellules souches et surtout, il se murmure que ses travaux sont parmi les plus avancés en matière de clonage humain. En cette fin du mois de février 2004, un vent froid balaye les rues de Washington. Dans le centre de conférences internationales situé au cœur de la ville, plusieurs milliers de chercheurs assistent au congrès annuel de l'Association américaine pour l'avancement des sciences. À la tribune, un rassemblement de matières grises, docteurs, professeurs, directeurs de centres de recherche et autres théoriciens, tous éminents spécialistes venus du monde entier, se succèdent. Chacun présente son travail, ses résultats, ses objectifs. Puis, c'est au tour du directeur du département de biotechnologie de l'université de Séoul de prendre la parole. Petite lunette sur la tête, sourire aux lèvres, le professeur Wang entre en scène. Face aux caméras, il affirme que son équipe et lui-même viennent de réaliser une première mondiale. Grâce à nos recherches, nous avons réussi notre plus grand défi. Créer des cellules souches que le système immunitaire ne pourrait pas rejeter. Cette découverte nous ouvre des perspectives incroyables que l'on ne pouvait pas soupçonner. Des cellules souches que le corps ne peut pas rejeter, autrement dit des clones, ensembles cellulaires au patrimoine génétique identique. L'annonce du professeur Wang provoque une onde de choc dans l'assemblée. Certains chercheurs se regardent médusés, d'autres se lèvent et applaudissent. En l'espace de quelques minutes, la Corée du Sud, ce petit pays d'Asie aux dents longues, s'invite dans la cour très fermée des nations pionnières dans la recherche génétique. En coulisses, on savait déjà depuis quelques années que les Sud-Coréens investissaient sans compter dans le domaine du clonage. Affectée par une série de scandales financiers au début des années 2000, la Corée du Sud cherchait alors à retrouver son prestige. Et dans cette ambiance électrique, mélange d'aspirations politiques et de raisons d'État, l'université de Séoul est vite devenue le fer de lance de cet engagement. Sur place, le professeur Wang, vétérinaire de formation, généticien chevronné, pur produit du système éducatif coréen, est devenu son porte-drapeau. Grâce à un portefeuille de plus de 40 millions de dollars, Wang va transformer son labo vieillissant en un centre de recherche dernier cri. À ses côtés, une équipe de 15 chercheurs vont se relayer 24 heures sur 24 pour tester, analyser, échantillonner, comparer, préparer, surveiller le développement de cellules souches embryonnaires. Et les premiers résultats ne se font pas attendre. En 2002, Wang clone un lapin, puis un porc, et il récidive avec une vache. Partout dans Séoul, l'opinion publique suit avec passion les moindres progrès de son chercheur star. Et lorsque celui-ci annonce au monde, en février 2004 à Washington, qu'il a réussi son pari fou, le clonage de cellules embryonnaires humaines, alors c'est tout un pays qui se met à vibrer derrière son nouveau héros. Ailleurs, dans le reste du monde, l'émotion est elle aussi considérable. Joint au téléphone par France Inter, le professeur Axel Kahn salue l'exploit réalisé par l'équipe de chercheurs sud-coréenne. On est là face vraiment à une prouesse technique d'une très grande et merveilleuse équipe. Cette prouesse technique a certainement un intérêt scientifique, peut-être un intérêt thérapeutique et peut-être également annonce la plus grande proximité, annonce qu'il ne faudra pas attendre de très nombreuses années avant qu'on annonce la naissance d'un enfant cloné. Dans les semaines qui suivent, au mois de mars 2004, la très prestigieuse revue American Science publie un premier article du professeur Wang sur ses travaux. Dans celui-ci, le chercheur coréen revient sur sa découverte et décrit pour la première fois la production d'une lignée de cellules souches à partir d'un embryon humain. Les grandes étapes du protocole de recherche sont ici retranscrites noir sur blanc, un tableau, oui, qui fait office de preuve. Mais si le résultat parle de lui-même, le faible taux de réussite de la manipulation amène certains chercheurs à s'interroger. En effet, pour mener à bien son programme d'expérimentation, l'équipe du professeur Wang a eu recours à plus de 242 ovules qui eux-mêmes ont donné 30 embryons viables, pour au final obtenir une seule lignée de cellules souches. Autrement dit, le taux de succès ne dépasse pas ici les 0,4%. Alors, s'agit-il d'un incroyable coup de chance ? Personne ne peut confirmer ou infirmer cette hypothèse. À cela s'ajoute un autre élément étonnant qui attire l'œil avisé des lecteurs. Parmi les 14 co-signataires de l'article du professeur Wang, certains n'ont rien à voir avec la génétique. On trouve, par exemple, la conseillère scientifique du président coréen. Sa spécialité, c'est la botanique. Toujours est-il que le 20 mai 2005, soit un peu plus d'un an après l'annonce de son premier exploit, le professeur Wang défraie de nouvelle fois l'actualité. Toujours dans la revue Science, référence en matière de journalisme scientifique, Wang publie un nouvel article sur le clonage. Si d'emblée, il affirme avoir réédité sa manipulation de 2004 avec succès, il prétend surtout avoir obtenu un taux de réussite exceptionnel. Non pas une, mais 11 lignées de cellules souches embryonnaires correspondant à l'ADN d'un seul individu. Et ceci, en utilisant 10 fois moins d'ovules que lors de la première tentative. Alors cette fois, on ne pourra pas mettre ça sur le compte de la chance. Ce second article est co-signé par l'éminent chercheur américain Gerald Chatton, l'homme que le monde scientifique considère comme le plus grand spécialiste de l'étude des cellules souches. Cela signifie que personne ne peut remettre en doute les travaux du professeur Wang. D'ailleurs, au-delà des frontières, tous ses confrères le félicitent. Comme ici le professeur Marc Pechanski, directeur de recherche à l'INSERM, pour qui Wang et son équipe ont franchi là une étape décisive. Oui, c'est une révolution scientifique. Ce que les Sud-Coréens nous offrent aujourd'hui, c'est la possibilité, dans des centaines de laboratoires, d'étudier la façon dont les gènes contrôlent la vie de la cellule en développant des populations de cellules sur lesquelles on va pouvoir travailler en masse avec les outils qu'on a dans les labos. L'objectif que les Coréens poursuivent d'une façon très claire dans leur article, c'est de démontrer que, au moins pour ce qui concerne cette étape du clonage, il est effectivement envisageable d'avoir un jour des cellules médicaments, c'est-à-dire d'utiliser le programme génétique du malade pour créer des cellules qu'on va pouvoir lui réimplanter pour corriger par exemple un diabète en remettant des cellules qui produisent de l'insuline ou une maladie de Parkinson en créant des neurones producteurs de dopamine. En cet été 2005, à Séoul, le professeur Wang est devenu aux yeux de la majorité des Sud-Coréens un héros national. En récompense, on le gratifie du titre de scientifique suprême. On lui offre un pass permanent pour voyager en première classe sur la compagnie nationale Korean Airlines et les autorités sud-coréennes lui font même l'honneur d'imprimer un timbre à son nom. Ça s'appelle la gloire. Pensez donc, fils de paysan qui, lorsqu'il était jeune, rêvait de cloner les vaches de ses parents pour les rendre plus riches, l'ascension est fulgurante et la réussite totale. Si certains rêvent leur vie, cet homme vit ses rêves. Galvanisé, le chercheur sud-coréen va aller encore plus loin. En plein cœur de l'été, il annonce cette fois avoir cloné un chien. Ce lévrier afghan et cette femelle labrador viennent d'entrer dans l'histoire de la science. Ils sont en effet les heureux parents de Snoopy, ce chiot né à Séoul. Mais il n'y a rien eu de charnel entre le papa et la maman. Tout s'est fait en laboratoire. Le père n'a pas donné un seul spermatozoïde, plutôt une cellule d'oreille. Snoopy est en effet le premier chiot cloné depuis Dolly la brebis. On avait réussi à cloner toute l'Arche de Noé, même les chats. Mais à cause d'une ovulation dure à maîtriser, les scientifiques aux abois n'arrivaient pas à cloner un chien. Cette fois, c'est fait et pas sans mal. 1095 embryons conçus, 123 mères porteuses, 2 naissances, un seul chiot survivant. Promis juré, les chercheurs ne tenteront pas de fabriquer des animaux de compagnie à la chaîne. On va faire de la science, rien que de la science. Dans les semaines qui suivent, alors que Wang est toujours sous le feu des projecteurs, ses recherches sur le clonage inquiètent une partie de la population très croyante en Corée du Sud, à majorité protestante d'ailleurs. Plusieurs milliers de personnes manifestent devant le laboratoire de biotechnologie de l'université de Séoul. Chacune d'entre elles arbore des photos d'hommes et de femmes sans bouche et sans yeux, des clones. Car si le talent du professeur Wang fascine ses compatriotes, la frénésie avec laquelle il clone tout ce qui lui passe sous la main inquiète de plus en plus de gens au pays du matin calme. Pour justifier toutes ses expériences, Wang réaffirme dans les médias que son travail a une portée thérapeutique hors norme. Comprenez qu'il ne cherche pas à cloner pour cloner, mais à cloner pour soigner. Le clonage thérapeutique, voilà le sésame. Wang endosse donc ici ses habits de chercheur au service de la science pour la médecine. Un laissez-passer imparable, un pare-feu idéal contre les critiques. Au même moment, dans les centres de recherche en Europe et aux États-Unis, on suit de loin mais avec passion ce qui se passe en Corée. De l'avis de nombreux experts, la révolution tant attendue de la génétique est cette fois en marche. Et toujours selon ces mêmes chercheurs, il s'agit maintenant d'une question de semaines, voire de mois, avant qu'on annonce la naissance du premier bébé cloné. Si en soi les exploits de l'équipe du professeur Wang ne surprennent pas la communauté scientifique, en revanche, la facilité et la vitesse avec laquelle les Sud-Coréens progressent dans leurs recherches en déconcertent plus d'un. Et l'inquiétude grandit face à ces pratiques non contrôlées pour lesquelles la législation est soit absente, soit floue. Au point que se basant sur les mérifiques promesses du professeur Wang, certains pays comme les États-Unis décident d'ouvrir un débat législatif pour modifier, ou tout du moins moderniser, leurs lois de bioéthique. En Grande-Bretagne, où le clonage thérapeutique est d'ores et déjà autorisé, l'industrie médico-pharmaceutique déploie tout un arsenal marketing. Car plusieurs labos sont désormais persuadés qu'on vendra bientôt des cellules souches appartenant à des clones. Et la France n'échappe pas au phénomène. Fantasmes, illusions et lobbies autour de la question du clonage se côtoient et se mélangent avec les démarches proprement scientifiques. Jusqu'ici, il n'existe qu'un seul outil législatif pour contrôler ces pratiques, la loi de bioéthique de 1994 relative aux dons et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain. Sur France Inter, le président de l'Institut Curie, le docteur Claude Hurier, lui-même à l'origine de cette loi, alerte sur les enjeux éthiques de l'utilisation d'embryons humains. Je continue de penser que, à travers le continuum qu'on évoque maintes fois lorsqu'on discute du sort de l'embryon humain, du statut de l'embryon humain, mais également du statut, j'allais dire, de la reconnaissance éthique de la valeur propre de l'embryon humain, tout ce qui détourne finalement la production, la création d'une vie qui est destinée à devenir une vie d'homme. Tout ce qui détourne de cet objectif exclusif en faisant apparaître l'idée d'instrumentalisation, mais n'empêche qu'un embryon humain ne peut devenir qu'un petit homme. Et tout ce qui détourne l'objectif exclusif, pour moi, est inacceptable. À l'automne 2005, le gouvernement sud-coréen annonce la création d'une banque internationale de cellules souches embryonnaires destinées à l'unité de recherche du Dr Hwang. Séoul alloue plusieurs millions de dollars supplémentaires pour financer les prochains travaux de son chercheur star. Chercheur dont certains prétendent qu'il serait évidemment en lice pour obtenir le prochain prix Nobel de biologie et de médecine. Or, dans les semaines qui vont suivre, tout ce beau monde va tomber de haut et découvrir le pot de rose. Hwang n'apparaîtra plus comme le héros qui a cloné, mais comme celui qui a commis la plus grande faute scientifique de toute l'histoire de la recherche médicale. Écoutez France Inter, il est 19h à peine passé. Le journal Alain Passerelle. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Chez lui, en Corée du Sud, mais également à l'étranger, on l'avait porté au nu pour avoir fait avancer les traitements de maladies incurables. Le docteur Wang, jadis intronisé pionnier du clonage, n'a en fait réalisé aucune percée dans le domaine, mis à part la production d'une copie conforme de chien. C'est ce qu'a conclu aujourd'hui définitivement une commission d'enquête de Séoul. Voilà donc cet homme de 53 ans, il y a encore peu réputé grand spécialiste des cellules souches, relégué au rang d'imposteur. Cette fin d'année 2005, à proximité du laboratoire de biotechnologie et de génie génétique de Séoul, des centaines de personnes, toutes membres du comité I Love, professeur Wang, se rassemblent et chantent à la gloire de leur héros déchu. Cette fois, il ne s'agit pas de s'interroger sur l'aspect éthique des démarches de Wang, mais bien de le soutenir, oui, le soutenir. Car depuis plusieurs jours, le maître du clonage médical, celui qui rendait si fier tout un peuple par ses brillantes découvertes, apparaît désormais comme un imposteur, un vulgaire escroc. Mais que s'est-il passé ? En réalité, les ennuis de Wang ont commencé le 10 novembre. Ce jour-là, l'un de ses anciens collaborateurs affirme avoir payé des femmes plus de 1000 dollars pour que celles-ci lui donnent leurs ovules. Si avant 2005, la pratique n'était pas interdite en Corée, elle crée néanmoins une polémique lorsqu'on découvre que ces femmes « donneuses » entre guillemets étaient en grande partie des étudiantes du professeur Wang. Le chercheur sud-coréen aurait-il donc abusé de sa position pour obtenir ces précieux organismes nécessaires à son travail ? Lors d'une grande conférence de presse, Wang reconnaît avec émotion avoir menti dans l'article de Science sur l'origine des embryons, mais il explique avoir agi ainsi pour protéger ses collaboratrices. Le lendemain, nouveau coup de tonnerre. Cette fois, c'est l'éminent docteur américain Gerald Chatten, principal promoteur des recherches de Wang et co-signataire de ses articles, qui rompt ses liens avec le professeur sud-coréen. Ce dernier aurait commis des manquements graves à l'éthique. Début décembre, contraint et forcé par la responsable de l'université, le professeur Wang démissionne de son poste de directeur de recherche. La nouvelle provoque une onde de choc partout en Corée. D'autant qu'au même moment, une étrange rumeur circule dans les médias. De l'aveu de certains de ses membres, l'équipe du professeur Wang aurait falsifié les résultats de ses recherches. Et dans les jours qui suivent, le château de cartes du clonage humain s'effondre. Des jeunes chercheurs sud-coréens remettent en cause les tests d'ADN sur certaines des 11 lignées de cellules souches que le professeur Wang prétendait avoir clonées. L'université de Séoul ouvre alors une enquête. Auditionné à huis clos, certains membres de son équipe admettent avoir truqué les photos publiées dans l'article du magazine Science. Une émission d'enquête journalistique diffusée à la télé nationale coréenne confirme ces accusations. Wang n'aurait cloné que des photos. En Corée et ailleurs, on ne parle plus désormais de miracle Wang, mais de scandale Wang. Interrogé sur France Inter, le biologiste et directeur de recherche à l'INSERM, Jacques Testard, réagit. Pour lui, cette affaire est à l'image d'un monde de la science en pleine dérive. On en arrive là parce que le système pousse à la performance, à la compétition. C'est un système où on vous dit la compétitivité internationale exige que vous arriviez avant les autres. Moi, j'avais naïvement, dans ma formation, l'idée que la recherche était au service de l'humanité. Maintenant, il est au service de forces économiques. Et on nous pousse complètement là-dedans. Et comme tous les laboratoires reçoivent en plus des subventions privées, de l'industrie en général ou du caritatif, elles ne sont maintenues que s'il y a des réussites. Sinon, elles vont aller à d'autres laboratoires. Donc il y a une espèce d'enchaînement qui pousse les chercheurs à ça. Si dans l'année, on n'a pas fait un papier dans un bon journal, on n'a pas vendu quelque chose, on n'a pas breveté, on n'est pas un bon chercheur. Au même moment à Séoul, en ces derniers jours de l'année 2005, le professeur Wang fait profil bas. Et pour cause. Cloîtré chez lui, harcelé par la presse et par les photographes, l'homme qui, il y a quelques semaines tout juste, était une gloire, est désormais celui que tout un pays scrute à la loupe et sur lequel se concentre cette question terrible. Le chercheur en génétique a-t-il tout inventé ? Et malgré des éléments de preuve concordants, le comité I Love Professor Wang continue à dénoncer la machination. Engoncés dans leur parc, ses membres continuent de manifester dans la rue et crient à l'injustice. Pour eux, ce sont d'anciens collègues du professeur Wang, des jaloux partis s'installer aux États-Unis, qui ont convaincu un membre de l'équipe de recherche de remplacer les vraies cellules clonées par des cellules normales, et tout ça pour faire tomber Wang, afin de récupérer son brevet sur la technique de clonage. Bref, toute la panoplie de la théorie du complot. Au début du mois de janvier 2006, alors que le monde vit au rythme des révélations dans ce qui est devenu l'affaire Wang, l'université de Séoul rend les résultats de ses investigations sur les travaux du chercheur. Ils sont sans nuance, comme explique la présidente de la commission d'enquête face à la presse. Les données de l'article publié dans Science ne peuvent être le résultat d'une simple erreur, mais sont issues d'une manipulation délibérée. L'objectif était de faire croire à l'existence de 11 lignées de cellules souches au lieu de 2. Au pied du mur, le professeur Wang reconnaît avoir falsifié les résultats du second article de Science. Pour autant, le scientifique qui porte désormais le chapeau d'escroc public numéro 1, une sorte de Madoff de la recherche, affirme que sa première lignée de cellules souches, celle qu'il a publiée en 2004, est authentique. Bon, et alors ? Impossible de le vérifier, de toute façon. Et les accusations ne s'arrêtent pas là. Après le scandale éthique sur l'acquisition des ovocytes, après la polémique sur la falsification des données scientifiques, le professeur Wang est sous le coup d'une enquête criminelle. Car dans cette affaire, le gouvernement sud-coréen a déboursé tout de même plus de 40 millions de dollars dans les recherches sur le clonage. Et si Wang n'a pas cloné d'embryon humain, qu'a-t-il fait de cet argent ? On en apprendra que bien plus tard, mais les policiers de la brigade financière de Séoul vont lever le voile sur un détournement de fonds. Entre 1999 et 2004, le professeur Wang a ouvert plus d'une soixantaine de comptes dans différentes banques du pays et sous des noms différents. Pour les enquêteurs, il s'agit d'un moyen de retirer de l'argent liquide et de le distribuer de la main à la main. Les policiers découvrent ainsi que Wang a versé 40 000 dollars en liquide à son associé d'alors, l'éminent professeur américain Gerald Chatten. Mais il a fait aussi deux autres versements, un de 30 000 dollars et un de 10 000 dollars à deux de ses associés, manifestement pour racheter leur silence. Au total, la police estime que ce sont un peu plus de 3 millions de dollars de fonds publics qui se sont volatilisés. Mais les hommes de la brigade financière vont faire une découverte encore plus surprenante. En étudiant en détail les mouvements d'argent réalisés par Wang, ils se rendent compte que ce dernier a remis des sommes importantes à la mafia russe, car il voulait se procurer un mammouth sibérien congelé, ceci afin de tenter de le cloner, bien sûr. Sur France Inter, le professeur Axel Kahn s'interroge sur cette folie qui touche les scientifiques qui travaillent sur le clonage. Quels sont les ressorts psychologiques derrière l'idée de clonage humain qui fait que tous ceux qui touchent du doigt ce domaine deviennent fous? C'est vraiment le triangle des Bermudes de la rationalité scientifique. Quand j'étais gamin, il y avait un vin qui était riche en méthanol, que l'on appelle le vin de Noah, qu'on appelait le vin fou, qui a été interdit. Eh bien, de la même manière qu'il y avait un vin fou qui a été interdit, il y a une science folle qui est le clonage humain. Et même des très bons scientifiques disent absolument n'importe quoi, totalement emportés par la vague fantasmagorique qu'il y a derrière cette idée. Au printemps 2006, la revue Science, celle-là même qui avait publié les deux articles du professeur Wang, se retrouve à son tour au cœur de toutes les critiques. Comment une revue de référence comme elle a-t-elle pu se laisser berner ? Comment Wang a-t-il pu tromper la vigilance de journalistes scientifiques aguerris ? La réponse est à l'image de tout ce dossier. Lorsqu'ils reçoivent le premier papier de Wang, les éditeurs de la revue Science le font relire par des experts, non pas pour vérifier les résultats ou les mettre en doute, non. Uniquement pour contrôler si les données sont cohérentes. Or, la crédibilité de Wang est jugée satisfaisante, sa recherche crédible, ses co-signataires apportent la caution Science et donc publient l'article en moins de 3 mois, un délai anormalement court pour ce type de revue. Comment les experts du magazine ont-ils pu ignorer le statut de certains co-signataires de l'article ? L'une d'elles, on l'a dit, était une simple botaniste, un autre était directeur d'un grand hôpital connu pour certaines pratiques éthiques douteuses. L'un d'eux, enfin, était l'éminent docteur Gerald Chatten, qui avouera après coup dans les colonnes New York Times ne pas avoir suivi dans les détails la recherche de Wang. Pour Hervé Schneidweiss, neurobiologiste et directeur de recherche à l'INSERM, cette affaire pointe du doigt un véritable fléau dans le monde des publications scientifiques, ce qu'on appelle les signatures de complaisance. À cela s'ajoute le manque de contrôle sur les publications. Ce qui est intéressant, c'est que ce clonage a fait l'objet de beaucoup de questions éthiques et que c'est sur des questions éthiques que Wang est tombé. Dès la publication de 2004, publication qui était très technique, et c'est peut-être pour ça que la fraude n'a pas été repérée tout de suite. Parce qu'au fond, ce papier de 2004, et celui de 2005 encore moins, n'avait absolument rien de génial. C'était une série de mises au point techniques qui étaient attendues par tout le monde depuis le clonage de Dolly, qui s'appliquaient à l'homme, mais au fond, comme c'était une espèce nouvelle où le transfert nucléaire s'appliquait, on a admiré la minutie, la précision, et justement la qualité de la fraude, c'était de présenter des datas qui convainquaient tout le monde. Trois ans plus tard, lors de son procès en octobre 2009, le professeur Wang reste muet d'un bout à l'autre. Au moment du verdict, il baisse les yeux. Pour fraude, détournement de fonds et violation des lois sur la bioéthique, la justice reconnaît Hang Hoo-suk, généticien, chercheur et vétérinaire de formation, coupable à scène de magistrat. En conséquence, poursuit-il, la justice condamne le professeur Wang à 2 ans de prison avec sursis. Une peine qui par la suite sera ramenée à 6 mois en appel. Par cette décision, la justice sud-coréenne estime que l'ambition du clonage a fini par dévorer Wang. En voulant brûler les étapes, le chercheur s'est brûlé les ailes et floué tout à pays. De manipulateur génétique à génie de la manipulation, le professeur Wang restera toutefois dans l'histoire de la science pour avoir réalisé une première scientifique. En effet, un groupe de chercheurs américains va découvrir que derrière le premier article 2004 paru dans Science, Wang et son équipe ont en réalité observé, sans savoir, la première parthénogenèse chez un mammifère. Une première mondiale, mais qui n'a rien à voir avec le clonage. La science, évidemment, ne sort pas grandie de ce scandale. L'affaire Wang a mis en lumière les coulisses d'un monde de la recherche devenu une industrie orientée vers les exploits et qui a perdu son sens de la raison. Un système qui pousse des dizaines de milliers de brillants scientifiques à travers le monde à la performance et à la compétition, mère de tous les vices. Peace. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui, le professeur Axel Kahn, bonjour. Bonjour. Vous êtes généticien, bien sûr, spécialiste des questions éthiques et philosophiques ayant trait à la médecine et aux biotechnologies. On vous a entendu deux fois dans ce reportage, dans ce récit, ce qui tombe bien d'ailleurs, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour l'interview, on a pu déjà vous écouter deux fois. Alors on a vu que la première fois, évidemment, les scientifiques de bonne foi se disent « il y a une avancée, c'est formidable hein. ». Et puis après, ils comprennent que c'était pas une avancée. Quel souvenir vous gardez de cet épisode-là? Est-ce qu'il était un peu comme une blessure quand même pour un scientifique? Pas tellement dans mon cas. Lorsque la belle brebis Dolly est née, le rédacteur en chef de Nature m'avait demandé de publier, d'écrire en même temps l'analyse éthique de ce clonage et d'envisager l'utilisation de cette méthode chez l'homme. Et j'avais dans cet article envisagé le clonage de bébés, mais également l'utilisation thérapeutique, ce qui deviendra le clonage thérapeutique. Et donc, dans un premier temps, j'ai pensé que ces cellules souches isolées d'un embryon humain cloné avaient pu être mises effectivement en culture. C'était pas bouleversant en soi. Lorsque j'ai appris que ça n'était pas le cas, je me suis focalisé sur l'extraordinaire pulsion liée au mélange des motivations de gloire, de passion scientifique, mais également, il faut bien reconnaître, d'intérêts financiers qui peuvent amener les plus grands esprits scientifiques, car sans doute Wang est un excellent scientifique, à la pire des dérives, au pire des sottises. Donc, si vous voulez, non pas une blessure, une illustration de ce que je disais, parce que depuis très longtemps à cette époque-là, pour ce qui est du clonage thérapeutique, je disais, après y avoir même cru un moment, je disais, écoutez, sans doute c'est une gigantesque mystification. Non pas qu'il ne soit pas possible de faire des cellules souches embryonnaires dérivées d'embryons clonés, c'est-à-dire compatibles avec par la personne à qui on pourrait les greffer pour la soigner. Mais parce que s'il faut au départ utiliser 10, 20, 30, 50, 100 ovocytes pour soigner une personne, compte tenu du nombre de personnes qu'il faudrait soigner, les infarctus du myocarde, les paraplégies, les maladies d'Alzheimer, les diabètes, entre vous et moi, sans même mettre en avant le coût que cela représente, on ne va pas soigner grand monde. Et donc, c'est une mystification si on doit passer réellement par une technique aussi lourde. Et le fait que, dans le cadre de Wang, même le premier article de 2004 était un succès après l'utilisation de 256 ovocytes, illustrait un peu cette mise en garde. D'accord, mais il y a eu quand même, j'ai l'impression qu'il y a eu comme une volonté de le croire, ce qui est plutôt bienveillant d'ailleurs, ce qui est plutôt une démarche positive. Nous, scientifiques, on a envie de non, croire. Non, il n'y avait pas envie de croire, il n'y avait pas de raison de ne pas le croire. D'accord. Il n'y avait pas de raison de ne pas le croire. Puisque, après tout, c'était un scientifique qui avait déjà cloné des animaux de trois espèces, vous l'avez dit. Un veau, un lapin, et puis un porc, qui allait cloner très rapidement des chiens, et d'ailleurs... C'est devenu sa spécialité, je crois. Oui, qui est devenu totalement sa spécialité. Il vit de cela aujourd'hui, pratiquement. Il a une usine à clonage de chiens, ce qui est extrêmement rentable. Pas du tout à des fins scientifiques, comme il disait au départ, mais tout simplement parce que des propriétaires de toutous sont prêts à payer extrêmement cher pour essayer de cloner leur chien préféré. Et donc, on savait bien, on se doutait bien qu'on y arriverait. D'ailleurs, entre vous et moi, aujourd'hui, ça y est, on y est arrivé. Alors, j'allais vous poser la question, où en est-on? Alors, non, on a abordé le débat, parce qu'il était important, le débat éthique, le débat moral autour de ça. Maintenant, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue scientifique, pendant très très très longtemps, cela a été très difficile de cloner les primates. Et nous sommes des primates, comme les autres singes, si je puis m'exprimer ainsi. Mais il y a une année à peu près, on a cloné deux singes, et cette fois-ci, c'est un vrai clonage. Pas à partir de cellules adultes, à partir de cellules embryonnaires, c'est moins difficile, mais il existe effectivement des singes clonés. Et pour quelle raison était-ce difficile? Ce n'est pas qu'il y aurait une singularité à dire vrai, chez l'humain. Nous sommes des mammifères comme les autres, d'une certaine manière. Mais il n'y a pas de loi, de règle générale. C'est un peu un coup de main, une recette particulière qu'il faut arriver par essai, par astuce, par minutie, qu'il faut arriver à mettre au point. Et donc, on a mis au point la technique qui, enfin, permet de cloner des primates. Et aujourd'hui, ce que je disais déjà lorsque Wang a publié ses résultats, je peux le redire. C'est-à-dire que on est évidemment pas trop loin, le cas échéant, sans doute dans la transgression, car je pense que cela restera interdit, on n'est sans doute pas trop loin de la possibilité de cloner, de faire naître un bébé cloné. Alors pour ce qui est des cellules souches embryonnaires, oui, il y a également des cellules souches embryonnaires qui ont pu être mises en culture à partir d'embryons clonés, que l'on n'a pas voulu mettre dans le ventre d'une femme pour qu'il y ait un bébé. Mais il semble qu'il y ait des cellules souches embryonnaires de ce point de vue-là. Si ça ne fait plus l'objet de tant d'intérêt, c'est que, comme je le prévoyais, je dois dire, cette technique-là n'est plus du tout prisée comme elle l'était. De ce temps-là, on se disait, la seule possibilité pour soigner une personne, c'est de lui greffer des cellules dont tous les gènes sont identiques à ses gènes propres, c'est-à-dire qu'il sera considéré comme ses propres cellules et que son système immunitaire ne rejettera pas. D'accord. Et comme je vous l'ai dit, le clonage thérapeutique passant par l'utilisation d'ovocytes, le transfert de noyaux, était horriblement compliqué et cher. Aujourd'hui, et il y a un prix Nobel pour cela, aujourd'hui, il est possible, en simplement transférant 3 gènes dans n'importe quelle cellule, oui, de donner à cette cellule les caractéristiques d'une cellule souche embryonnaire. C'est ce que l'on appelle des cellules progénitrices induites. Et aujourd'hui, cette méthode est beaucoup plus simple, beaucoup moins chère, ne passe pas par des ovocytes, ne pose pas les problèmes éthiques. Et on en est à tester sa faisabilité, sa sécurité, l'absence de risque de développer un cancer, etc. Donc, pour soigner les gens, la méthode qui passe par le clonage thérapeutique proprement dite, vous pouvez l'oublier. Moi j'ai dit, il ne faut pas y penser car c'est ridicule, mais maintenant, expérimentalement, vous pouvez l'oublier. Donc on n'en parle plus guère aujourd'hui. Ça veut dire que on concentre nos efforts après les recherches un peu fantasmatiques aussi du clonage, on concentre nos efforts sur quelque chose de plus rationnel pour la médecine qu'on pourra appeler le génie génétique. Par exemple, le clonage n'a rien à voir avec le génie génétique. Souvent, on dit, voilà, ouais, le génie génétique consiste à changer les gènes. Le D'accord. clonage consiste à reproduire des cellules dont tous les gènes sont identiques. Donc, c'est le contraire de la génétique. Donc, on en abandonne un, apparemment, pour se concentrer sur l'autre, puisque c'est pas la même chose, hein. Le génie génétique. Donc, une ouverture pour soigner les cancers. Par exemple, on en est où? On a dit que c'était vraiment la porte de l'espoir. On en est où, là, au moment où nous parlons? Alors, en matière de génie génétique, la grande nouveauté, c'est la possession, la maîtrise d'un système qui permet de réécrire assez facilement des portions de gènes. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, quand on voulait soigner une personne par thérapie génique, que faisait-on? La maladie était liée au fait que des gènes ne fonctionnaient pas. On n'était pas capable de réparer le gène qui ne fonctionnait pas. Ce que l'on faisait, c'est que l'on rajoutait dans la cellule considérée un nouveau gène qui, lui, devait fonctionner et dont la fonction remplaçait la défaillance du gène muté. De l'autre, d'accord. Absolument. C'était ce que l'on faisait, toutes les tentatives réussies pour certaines de thérapie génique ont utilisé cette méthode, notamment les fameuses enfants bulles à l'hôpital Necker, avec Marina Calvo et Alain Fischer. Aujourd'hui, avec ce nouvel outil, on pourra corriger la mutation responsable de l'inactivité du gène. C'est-à-dire, on pourra faire vraiment de la microchirurgie réparatrice, la réécriture, la correction en réécrivant la portion anormale du gène. C'est le système que l'on appelle du doux nom de CRISPR-Cas9, qui défraie la chronique, et sans doute les deux femmes, sont deux femmes, qui l'ont mise au point, une française qui est Emmanuelle Charpentier et l'américaine Jennifer Doudna, auront le prix Nobel. Et là, il n'y a pas de fraude. Tout le monde l'utilise, c'est une méthode qui fait partie de la boîte à outils. Et ça, c'est extrêmement important, parce que moi j'ai commencé à faire du génie génétique très tôt, au tout début des années 80. Pour les gens qui faisaient du génie génétique, quel était le rêve? Le rêve, c'était ça, c'est de pouvoir, à volonté, changer la séquence et donc réécrire en fonction de ce que l'on veut obtenir des portions de génome, pas forcément de cellules humaines, mais de cellules animales, végétales, etc., etc. On l'espérait, mais on ne savait pas bien le faire. On a progressé. Et là, maintenant, on a un outil qui permet d'atteindre à cette épiphanie fantasmagorique des premiers pratiquants du génie génétique des années, de la fin des années 70 et du début des années 80. Donc, c'est certainement une avancée importante. En soi, pour la thérapie génique, ça ne posera pas de problème. La grande question qui se pose, et c'est le grand débat éthique, c'est que l'outil est tellement puissant que l'on se demande, mais alors, est-ce qu'il ne serait pas plus simple, au lieu de corriger la mutation chez la personne, c'est compliqué, prendre l'embryon qui deviendra cette personne malade et corriger la mutation dans cet embryon de manière à ce que non seulement le bébé et puis l'adulte qui sera issu du développement de l'embryon ne soit pas malade, mais que en plus, il ne transmette pas la maladie lorsqu'il se reproduira. Ah oui, bien sûr. Voilà, et donc, c'est ce que l'on appelle la thérapie génique germinale. Et donc la discussion est sur ce point. La thérapie génique germinale, en soi, pourquoi pas? Le seul problème, c'est que quand on regarde, je n'ai pas le temps malheureusement de préciser, dans la réalité, il n'y a pas beaucoup d'indications d'une thérapie génique germinale, parce que quand vous avez des embryons à corriger, compte tenu des lois de la génétique, vous en avez des bons et des mauvais. C'est même plus simple de remettre les bons plutôt que d'essayer de corriger de manière incertaine les mauvais. Et donc on voit très J'adore votre pragmatisme. Face à des trucs totalement compliqués, voilà. Vous êtes très pragmatique. Absolument. Continuez. Mais en revanche, si le but était de faire apparaître des lignages d'hommes améliorés, le enhancement, le transhumanisme, etc. Alors, c'est bien par la réécriture de portions de génome dans l'embryon qu'il faudrait passer. Et donc, la discussion a une extraordinaire importance, car elle est en pleine résonance aujourd'hui avec un des mouvements intellectuels les plus puissants qui traversent les nations scientifiques, qui est l'illusion, mais aussi le projet maintenant du transhumanisme. Ce projet n'est pas du tout minoritaire, c'est pas du tout des savants fous. Comme vous savez probablement, une des plus puissantes firmes du monde, Google, a comme l'un de ses chefs de la recherche le leader du transhumanisme, du mouvement transhumaniste américain. Ouais. Et donc, il y a aujourd'hui, derrière ses desseins, des centaines de millions, des milliards de dollars potentiellement. Donc, en effet, c'est le moment d'en parler. Alors, pour être très concret, là pour le coup très concret, quand on parle du génie génétique thérapeutique, quelles sont les applications concrètes là aujourd'hui? Alors, le génie génétique thérapeutique, deux applications, la thérapie génique pour les maladies génétiques, pour le cancer. Oui, ça, alors pour le cancer. Voilà, vous m'avez parlé du cancer. Pour le cancer, on peut pas tellement aujourd'hui corriger la mutation à l'origine des cancers parce que vous avez des millions de cellules cancéreuses. Et ce qu'on peut faire au niveau d'une cellule, le faire chez des millions de cellules, c'est difficile. Et si vous ne le faites pas dans une cellule qui reste cancéreuse, le cancer, il va récidiver. Donc c'est très compliqué. Alors, ce que l'on fait en revanche, et ce que l'on pourra faire, ce que l'on fait déjà par d'autres méthodes, c'est doper par des méthodes génétiques des globules blancs, des cellules immunitaires, de manière à ce qu'elles aillent attaquer la cellule cancéreuse et la détruisent. Et ça, c'est une thérapeutique qui commence d'être utilisée, qui donne de très bons résultats dans certains cancers, tels que le mélanome, certains cancers du poumon, certaines leucémies, et qui est extrêmement prometteuse. Et il n'y a pas de doute que cette boîte à outils merveilleuse, cette épiphanie fantasmagorique que représente CRISPR-Cas9, qui permet de réécrire pour pas cher rapidement à volonté des portions de génome, permettra sans doute de doper les capacités tueuses de cellules cancéreuses, des cellules immunitaires, du système immunitaire du malade cancéreux lui-même. À quel horizon, à peu près? Dans combien d'années? C'est difficile, je sais que c'est ce genre de question infernale. C'est pas dans combien d'années, c'est déjà maintenant. C'est déjà une technique qui est utilisée dans quelques maladies. Et aujourd'hui, la facilité avec laquelle on peut pratiquer ce dopage génétique, c'est un dopage génétique de cellules immunitaires. La facilité avec laquelle on peut pratiquer ce dopage génétique fait que, sans doute, il y a pas mal de laboratoires dans le monde qui sont déjà en train d'essayer de le faire. Alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette avant-dernière question, mais concernant le clonage humain et les envies qui peuvent être là un peu partout dans le monde, d'arriver au clonage humain, on en est où? C'est quoi la législation? Est-ce que c'est... Alors aujourd'hui, alors il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de législation. Ouais. Il y a une désapprobation sans doute. Mais le fond du problème, c'est qu'aucun d'entre nous ne doute que si le clonage des singes est possible, et puis il est facile, il s'avère reproductible, le clonage humain deviendra possible, au moins dans la transgression, il sera fait. Pour quelle raison? C'est que peut-être qu'une personne, la première personne qui fera naître un bébé cloné, peut-être qu'elle ira en prison, mais sa gloire sera éternelle. Ouais, et l'histoire le retiendra. Alors, il y a des intérêts financiers, mais il y a un intérêt, là encore, fantasmagorique, qui est totalement inouï. Ouais. Donc, la question est-ce que ça restera une transgression, ou alors est-ce que nos sociétés évolueront pour considérer que c'est licite? On vous invitera pour que vous veniez donner la réponse le jour où elle arrivera. Parce qu'on est, si on est éternel, c'est très très longtemps. Merci Axel Kahn, merci infiniment. Je vous en prie. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire du professeur Wong, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Michel Bézikian et Théo Lacombrade qui étaient tous les deux à la technique aujourd'hui.